tourne à droite. Et le feu est vert. Mais je dois couper une voie réservée à la circulation des bus. Avant de tourner, je dois m'assurer qu'aucun bus n'y circule. Et si c'est le cas, je dois le laisser passer. Un coup d'œil dans le rétro, je vais devoir m'arrêter, même si la voiture qui me précède arrive à tourner avant que le bus ait rejoint l'intersection. Réponse B.